Nous devons accélérer les prophéties. Ça, je n'aime pas ça. Ça refait le sabbatao franquiste un petit peu, là. Mais ce qui doit, il faut que ces choses arrivent. C'est ça qui est écrit. Donc, on n'a rien à accélérer. Ça va se faire qu'on le veuille ou pas.